Bon, j'espère que cette fois il n'y aura pas de soucis techniques. Hein. Nous sommes en direct de la foire de Saint-Romain. Ah merde, mon téléphone. Allô, allô, allô, allô, est-ce qu'on m'entend? Allô? Test micro, 1, 2, 1, 2. On peut y aller. Bon, en ce moment, vous avez tout branché, les câbles, tout, les micros, on peut y aller. Ok, on y va. Bonjour et bienvenue dans ce Quoi qu'il se passe un petit peu spécial, parce que ça fait un petit peu longtemps qu'on n'a pas fait de podcast. Donc j'ai avec moi Gandalf, encore et toujours. Bonjour. Alors comment ça va? Eh bien très bien, depuis la dernière fois. Ouais, depuis avant-hier, hein. Oui, quand c'est on ça, enregistre. Voilà. Mais chut, faut cacher le secret aux poditeurs. Aux poditeurs, voilà. On a quand même fait pas mal de choses depuis, je crois que ça va faire 2 mois qu'on n'a pas fait de podcast. Mmh. Donc on a fait 5 ou 6 sorties. Donc c'est ça. Voilà, on a eu le temps de s'amuser quand même pendant tout ce temps. Mmh, ouais. Alors du coup, on commence par quoi? On fait dans l'ordre des sorties déjà? Ouais, c'est ça, je pense que ce sera le mieux. Ce sera plus simple. Mmh. Donc on va commencer par un tout petit festival. Donc là on va faire le programme, on a fait plusieurs festivals, donc ça soit des conventions Japanimation, Japanimation. Oula. Ça commence à... et j'ai pas bu pourtant. Est-ce que ça va être alors? Oui, donc Japintown. Donc Japintown, voilà, donc c'est une petite convention qui était quand même assez sympathique, donc qui se passe, oui, très sympathique, ouais. Qui s'est passé à Amazeme, donc dans le Tarn, avec un petit jeu de mots dans le titre. Hein, C'est un jeu de mots que Médoc sur No Life aurait adoré. Voilà, c'est je pensais à lui justement. C'est il y a les jeux de mots dans les noms de conventions, comme dans les jeux de mots comme dans les boutiques des coiffeurs. C'est pareil. Faut trouver le petit truc pour se démarquer dans le nom. Ah oui. Donc qu'est-ce qu'on peut dire sur cette convention? Bon, déjà que ça a eu lieu donc le week-end du 26 octobre, que le dimanche. Ouais, c'est vrai, c'était sur une journée, mais ça a été quand même assez bien rempli, je trouve. Mais... C'est ça, oui, bah, 3000, plus de 3000 visiteurs. Ouais. Donc reconnu l'année prochaine aussi, voilà, du le succès populaire. Et c'était la première édition, je sais plus. Oh, c'était la... Alors, seconde ou troisième? Oui, donc ça, 3000 pour sur un jour comme ça, c'est vrai que c'était plutôt pas mal. Oui, pas mal, ouais. En plus, bah, ce qui était pas mal vraiment, c'était que bah, c'était gratuit. Donc c'est déjà. Ça, c'était plutôt cool. Même si après, bah, les autres, on va revenir, mais ça va être du 2 ou 3 euros, mais c'est, voilà, là, c'était gratuit. Il y avait des activités comme on peut en voir généralement, comme dans toute convention, donc, du même style que Japan Expo, Toulouse Game Show ou consort. Donc, il y avait du cosplay, la calligraphie. Il y avait des la soupe miso. La soupe, ouais. Il y avait aussi un stand pour préparer soi-même des sushis. Oui, c'est vrai. Donc, ces trucs comme ça, c'était plutôt cool. À noter aussi que bah, le seul restaurateur, on va dire, vraiment dans la convention, bah, il a fait vite rupture de stock. Sinon, on a fait la queue pour manger, il doit être quoi, 1 heure, même pas, 2 heures, par là. Ouais, c'est ça, ouais. Et bah, il avait vraiment plus rien. Donc, toutes les 5 minutes, il disait, bon, bah, excusez-moi, mais j'ai plus de ça. Mais il me reste de ça. Puis 2 minutes après, il fait, ah bah en fait, je peux même plus vous faire ça, mais j'ai plus de maquis, mais j'ai plus d'avocat pour faire des maquis californiens, mais je peux toujours vous faire des maquis, mais sans l'avocat. Toujours caché dans le maquis. Ouais. Toujours caché dans le maquis. Mis à part ça, bah c'est un petit couac, mais bon, c'est pas trop gênant. On était en plein centre-ville. Bon, c'est vrai que c'était dimanche, donc fallait quand même prévoir un petit peu à manger. Il devait pas trop y avoir de trucs d'ouvert. Le dimanche. Bon, surtout à Mazamé, qui n'a plus le Redmond de la ville qu'elle était. Ouais. Donc, mais après, voilà, bon, ça c'est toujours problématique d'estimer l'alimentaire, c'est toujours un peu compliqué, quoi. On essaie toujours de rajouter un peu plus qu'à l'année dernière, mais des fois, voilà, c'est toujours un peu compliqué, bon, ça, voilà, c'est. Pas comme si au TGS il n'y avait qu'un stand ou des choses comme oui, ça. Oui, voilà, ouais. Après, ouais, c'est toute proportion gardée, c'est pas le même nombre de personnes qui viennent dans ce festival. Ah, parce que 3000 personnes au TGS, c'est quoi? C'est les entrées express, on y reviendra, mais. Et encore, je suis pas sûr, hein, parce qu'en express, ah, ou quoi que. Si, oui, ça doit bien faire 3000, peut-être plus. Enfin. Donc, du coup, on a fait vraiment un petit topo bah, sur les activités, mais il y avait quand même bah, une belle affiche, parce qu'il y avait le Necolite Orchestra. Donc, ils revenaient, c'était là, ils étaient toujours dans la thématique, le. J'ai perdu le nom. Dans la thématique, c'était la thématique. C'était les reprises. Ghibli. De Ghibli, oui, voilà, sur les reprises des films de Miyazaki. C'est ça. C'était le. Peut-être pas l'une des dernières, mais ça va être, ouais, dans, vraiment, parce qu'ils ont terminé juste avant le TGS. Donc, il y a maintenant la semaine dernière quand on enregistre. Je crois qu'ils ont fait vraiment le tout dernier le vendredi soir. Mais moi j'ai bien apprécié. Oh, c'était leur reprise était pas mal. Ils ont repris du Miyazaki, du Ghibli et aussi des génériques de notre enfance, les Tortues Ninja. Qu'est-ce que c'était bien. On peut dire aussi bah qu'il y avait aussi la station Japan FM qui a fait qui était présent avec des micros, la table, donc je pense qu'ils ont dû faire des enregistrements live duplex, ouais, des duplex. Donc c'est pas mal quand même. Je trouve qu'ils sont quand même de plus en plus dans les conventions. Oui, c'est très intéressant, c'est vrai qu'ils prennent on les voit souvent. Ouais. Bon, après ils allaient plus dans les petites conventions parce que c'est sûr qu'on les met dans les grandes conventions avec le bruit. Oui. Pas toujours évident, mais moi, ça a été surpris de les voir. Bah. Surtout à Mazamé, qui n'est pas, qui est pas la ville la plus connue du Tarn. Déjà, le Tarn. Voilà. C'est où? On dit toujours que c'est à côté de Toulouse, même si c'est pas forcément à côté. Et après, moi, je noterais surtout qu'il y avait une très bonne ambiance voilà, dans ces petites conventions. C'est ce qu'on retrouve plus dans les grosses conventions. Quoi. Ouais, bah, c'est vrai, ou très rarement. En plus, bah, là, la journée, bah, on a fait, on va dire, quand même assez vite fait le tour des activités ou des stands, mais on a quand même passé une bonne journée dans leur salle amphithéâtre, même si c'était plutôt pas amphithéâtre, mais plus une petite salle de conférence. Où là il y avait l'association, alors j'ai perdu le nom, mais qui proposait des jeux, donc c'était plutôt pas mal. On a bien rigolé à essayer de trouver des noms d'animés. Alors la contrainte c'était il fallait trouver des noms de dessins animés qui étaient produits par le Japon. Donc aussi bien exclusivement. Et qui étaient pas du moins qui étaient japonais au moins, voilà. Ouais. Et c'était animé pur, c'est-à-dire on enlevait film et OST. Oui, voilà. Et OST, OAV. En plus, après, on pouvait c'était plutôt pas mal, parce qu'on pouvait donner aussi bien le titre en français qu'en version originale. Donc, du coup, ça élargissait un petit peu le nombre de titres qu'on pouvait nommer. Donc, c'est plutôt pas mal. Puis, on a quand même un petit peu brillé par notre présence, en sortant au Ban Star E-Racer. Hein. C'était. Oui, surtout que voilà, c'est toujours quand on y est qu'on nous trouve. Bah ouais, voilà. Je peux en témoigner. Ouais, mais tu sais, le stress des examens, tout ça. J'avais pas mangé mon bio de Danone qui s'appelle maintenant d'un autre nom. Je ne m'en rappelle pas, mais c'est pas grave. Les gens reconnaîtront de même. Ah oui, voilà, ouais, j'ai trouvé ça super plaisant. Voilà, c'était sans prétention. Très plaisant. Ouais, ouais, puis il y avait quand même de. On va pas dire de grands auteurs, enfin, quoi que. Si, il y avait quand même de la présence d'auteurs, parce qu'il y avait un. Ah oui, il y avait Enfer et Paradis, de Tom, il y avait Lynn, il y avait Shinobi Ri, et François Amoretti, qui fait Gothic Lolita. Ah, mais je crois que c'est. Qui était d'Alan Fust, c'est ça. Non, hein. Je crois que c'est Amoretti, parce qu'il a fait Burlesque Girl, je crois. Oui, c'est ça, François Amoretti, voilà. Donc il était là donc avec son donc avant il avait des sketchbooks et je crois il a fait aussi un DBD puis voilà il a vraiment pas un portfolio mais vraiment des petits dessins qui vendaient comme ça en ex libris aussi donc c'était plutôt pas mal. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Que le lieu en lui-même c'était plutôt sympa. On avait vraiment une en fait ça faisait style salle des fêtes avec une partie scène qui était on va dire un petit peu détaché du reste des stands. Ouais, c'était bien réparti, ouais. Ouais. Ça, et les parties qui étaient un petit peu, qui pouvaient amener à faire plus de bruit, qui étaient, on va dire, coupées par une cloison de mur, tout simplement. Donc on pouvait passer d'une partie à une autre, comme si c'était, bon, on va avoir d'un côté vraiment la salle et de l'autre côté la cuisine, par exemple. Donc ça, je trouve que c'était plutôt pas mal. C'est sympa. Ouais. Est-ce que t'as d'autres choses à rajouter sur Japan Tarm? Oh, pas grand chose, peut-être très probablement on y retournera l'année prochaine, de toute façon, si l'opération se... Bon, visiblement, l'opération continue l'année prochaine, donc je passe toujours à peu près aux mêmes dates, à la même période. Ouais, bon... ouais, c'est ça, je pense, hein, donc... Parce qu'en plus, je me rappelle, il a fait super beau ce week-end-là. Oui, surtout pour c'était fin octobre. Fin octobre, ouais, on était limite encore en t-shirt et en bermuda, et c'était quand même plutôt agréable. Oui, c'est rare à cette période souvent. Donc voilà, c'est bon pour moi. C'est bon pour toi. Donc du coup, on passe. Allez, je vais te laisser la parole. On va passer sur le Capitole du Libre. Ouais. Donc du coup, raconte-moi un petit peu ce que c'est le Capitole du Libre. Alors le Capitole du Libre, c'est l'événement du Libre à Toulouse. On parle Libre, on parle bien évidemment du logiciel Libre, et on parle aussi de l'open source. Attention, le logiciel Libre et l'open source sont des notions assez proches mais qui sont assez différentes. L'open source, c'est comment techniquement faire un logiciel qui sera modifié et modifiable par autrui, donc qui est libre, donc le code source apparaît à tout le monde. Oui. Et le logiciel libre, c'est plus dans la réflexion du droit d'auteur et ainsi de suite. Ouais, donc on a vraiment une séparation entre on vous donne un gâteau et ce qu'il compose. Et de l'autre côté, en fait, plus une réflexion sur la recette. On peut. C'est ça, voilà. Tout à fait. Comme ça. Okay. Donc, forcément, ces deux approches-là, bon, voilà, c'était à peu près les approches les plus représentatives du salon. Après, il y avait pas mal de. Énormément de contenu, parce qu'il se passait à peu près approximativement 4 ou 5 conférences en même temps. On a toujours de l'importance assez diverse, donc, soit plus technique, soit plus. Plus porté sur la réflexion. Moi j'en ai fait par exemple, pour citer ce que moi j'ai fait sur la musique libre. Ouais. Tout ce qui était licence sur la musique libre avec des licences genre. Pas de licence presque. Ce qui est assez paradoxal, donc les gens mettent des licences pour qu'il n'y ait pas de licence. Oui, donc, c'est vrai. Souvent là, les musiques libres c'est en Creative Commons avec ces licences. Ouais, c'est Creative Commons. C'est ça. Non commercial, faut citer, on peut modifier le contenu, ouais, et surtout faut citer le truc d'origine. C'est ça, voilà. Principalement, après, ouais, c'est ça. J'ai surtout assisté à une conférence de, peut-être que certains connaissent, de Kalimak ou Silex, vous connaissez son blog ou pas, à savoir Lionel Morel. Alors c'est un juriste et un bibliothécaire qui bosse sur son temps libre pour la quadrature du net, on y reviendra un petit peu plus tard, sa quadrature du net. Et c'était très, très enrichissant, c'était sur... l'opportunité d'utiliser la culture libre pour améliorer la culture en général, en fait. Oui. Et c'était... voilà. Donc c'est là qu'on se voit qu'une heure, c'est assez court. Oui. Bah, c'est vrai que ça va être des sujets quand même assez passionnants où il doit y avoir quand même beaucoup, beaucoup de choses à dire, je pense. Oui, et puis voilà, c'était des gens qui... Même si c'était pas toujours des intervenants très, très connus, comme le premier que j'étais allé voir, qui voulait... Il souhaitait lancer un prix, bon, c'était probablement très, très probablement une idée. C'était récompenser le meilleur ouvrier libriste de l'année. Donc, à savoir, ouvrier libriste, il voyait par là des gens, bien évidemment, qui codent du libre, parce que les gens qui codent du propriétaire, on ne peut pas voir ce qu'ils font finalement, on ne voit que le résultat final. Et tout cela enchaîné avec des problématiques qui étaient à savoir pourquoi finalement récompenser qu'une seule personne, alors que le libre, c'est souvent un groupe de travailleurs. Et finalement, toutes ces problématiques amenaient aussi à des... Finalement, on pourrait recompenser une personne pour dire « c'est un exemple », sans le glorifier, ce qui devient compliqué. Donc c'était très enrichissant. Après, j'ai fait pas mal de... Après, j'ai fait d'autres conférences comme sur l'accessibilité des sites internet aux gens souffrant de déficience visuelle ou... Ouais. qui sont, donc c'est vrai que... on va dire par exemple ceux qui sont daltoniens, c'est vrai que c'est un petit peu plus difficile que pour vraiment voir la, on va dire l'expérience utilisateur optimum. Oui, voilà, déjà que bon, je parle dans mon expérience de développeur, c'est déjà compliqué de tester sur différents types de plateformes pour savoir le rendu, et là, c'est vrai que c'est ce genre de rendu, on y pense très très très rarement, parce que les chiffres, on nous a là, une conférencière a amené des chiffres comme quoi, je crois que c'était 2% des sites ou 5% étaient à peine accessibles, quoi. Donc ça prouve qu'il y a encore énormément de chemin à faire et que voilà tout, simplement. Mais de toute façon, c'était ça souvent, c'était d'une question rhétorique au départ, on arrivait à, finalement à se poser plein de questions à la fin. Ça prouve qu'il y a quand même énormément de chemin à faire. Oui, oui, puis on est quand même aussi encore au début de l'ère informatique, même si bah ça c'est l'avancée exponentielle où on a bah, maintenant des ordinateurs, on peut faire à peu près tout ses choix, alors qu'avant bah fallait une maison entière remplie d'ordinateurs pour faire un truc tout con. Donc c'est vrai que maintenant la technologie bah ça avance vraiment tout vite, donc ça amène de nouvelles problématiques et à se poser des questions de ce type-là. C'est ça. Et puis pour le meilleur ouvrier libriste de l'année, il prenait aussi un peu la problématique de savoir est-ce qu'il était important ou pas de savoir utiliser, de savoir ce qui se passait derrière un ordinateur. Parce que beaucoup de gens mais beaucoup de gens font marcher une voiture sans savoir ce qu'il y a derrière aussi, donc ça induit beaucoup de problèmes. Et c'était forcément très intéressant. Après, la journée s'est finie avec une assez grosse conférence de la quadrature du net, que j'ai pas pu assister parce que je devais rentrer un peu quand même. Parce que toute la journée, les journées sont assez longues, hein. Ça commence dès le matin ça devait commencer à 11h, j'avais loupé légèrement le début. Et ça finissait le soir à 20h. Sans oublier qu'il y a la journée du vendredi réservée aux professionnels, que je n'ai pas fait. Et il y avait un petit peu la journée du dimanche, un petit peu plus consacré aux ateliers. Donc il y avait des ateliers, installation de logiciels, programmation avec des langages particuliers, impression 3D même. Ben. C'est vrai que l'impression 3D, ben, ça amène aussi à se poser d'autres questions. C'est que du coup, on peut recréer des objets à la maison, bon, enfin, entre guillemets à la maison dans les Fab Labs ou pour ceux qui ont les moyens à avoir vraiment chez soi, et bah ça pose des problèmes de, on va dire vraiment de propriété intellectuelle, parce que j'avais un exemple d'un film, je sais plus lequel, où justement t'as une sorte de petit cube, comme on va dire un cube à la Portal, et que bah des gens avaient reproduit l'objet chez eux. Mais que bah du coup les majors qui étaient derrière voulaient récupérer ce qui est logique dans ce genre de questions, c'est ils voulaient récupérer des droits sur l'objet que eux ils avaient créé. C'est ça. Donc, encore une fois, ça amène vraiment à se poser beaucoup de questions comme ça. Voilà, une simple imprimante 3D, on peut recréer tout chez soi, donc du coup on n'a plus besoin d'acheter vraiment l'objet officiel. Oui, et puis ça amène aussi des choses qui devenaient totalement impossibles, par exemple des sculptures. Si des sculptures arrivent dans le domaine public, bon, à part en faire des photos et des choses comme ça, on pouvait pas en faire grand-chose. Maintenant, on peut en reproduire les mêmes pour les mettre au-dessus de la cheminée, quoi. Oui. Donc c'est vrai que c'est touffu, quoi. Oui. Donc, moi, j'ai été... mais ça fait très... C'est assez différent finalement de la convention comme on la connaît, finalement des conventions tout à fait normales, sur le Japon, sur les univers assez geeks, on trouve des gens d'horizons assez différents et on trouve aussi beaucoup de gens qui sont, selon mes propres mots, c'est deux passages, on va dire. Ouais. Là aussi les problématiques sont un peu plus fortes. C'est ce que j'allais dire, on n'a pas l'habitude de voir, c'est pas vraiment, on peut pas dire que c'est une convention, mais c'est plus un salon discussion, ça s'aborde pas du tout les mêmes problématiques, et du coup, c'est des problématiques qui sont quand même assez intéressantes, à mon avis, de y avoir des thèmes sur nos données qu'on partage sur Internet ou de choses. La culture en général, c'est vrai que ça va assez loin. Bon, après, par rapport aux intervenants et aux gens qu'on pouvait trouver sur le salon, il y avait par exemple Firefox, Ouais. Qui présentait Firefox OS, qui est leur dernier système d'exploitation qui essaie de damer le pion à iOS et Android, et pour l'avoir essayé, c'est très convaincant. Ouais, c'est pas... C'est tout en HTML5, il me semble, ça. Je crois, ouais. Principalement en HTML5. C'est ça. Et Firefox, depuis qu'on écoute ce podcast, normalement, propose de créer soi-même des applications par le biais de Firefox sur son ordi. Ah ouais. Ouais, il y a des API toutes prêtes qui sont suffisantes d'installer. C'est un petit peu... Faut le trouver un peu, mais une fois que c'est trouvé, ça va. Oui, donc, pour l'instant, il ne doit pas mettre vraiment en avant, parce que ça ne va pas être définitif, ou c'est juste pour ceux qui aiment bien bidouiller dans un premier temps, avant de l'ouvrir vraiment pour tout le monde. Et pour avoir essayé, je me posais la question bidouille, tout ça, c'est assez avancé quand même. Je pense qu'il y a encore quand même pas mal de boulot. Je pense que c'est un an de version 1, je pense que c'est déjà passé. Mais c'est quand même assez bluffant, quoi. Il y a des fonctions de base qui sont très très intéressantes, comme la synchronisation de calendrier par WebDAV. Ouais. Donc en gros, on peut avoir son serveur chez soi et synchroniser son propre calendrier. Oui, donc c'est vrai, ça, pour ceux qui sont adeptes du tout chez soi, tout hébergé, l'hébergement à la maison. De l'auto-hébergement. L'auto-hébergement, je cherchais le terme, ça peut être plutôt pas mal. Ouais, et puis c'était assez réactif sur des téléphones qui étaient pas... Bon, on n'a pas testé, j'ai pas testé le... Il est pas disponible avant, je crois que c'était un LG. Un milieu de gamme assez convaincant, assez bluffant. Moi je suis sur Android, bon j'ai déjà acheté les applications, mais là je me pose vraiment la question de faire le transit vers Firefox OS. Pourtant je l'utilise pas trop sur ordinateur, mais il y a des petites, c'est joli, c'est très fonctionnel. C'est bien foutu. Ouais, c'est très joli. C'est ça tire un peu iOS, mais c'est très plaisant, quoi. C'est vraiment bluffé, quoi. Je pense qu'il y a une grosse marge de manœuvre pour ce genre de système d'exploitation. Après, il y avait d'autres intervenants. Bon, je pense que les gens qui sont habitués au libre ou à suivre des podcasts comme celui d'écran.fr, Secanticast ou autres sont un petit peu habitués. Donc, il y avait Framasoft, il y avait Wikimedia France et ainsi de suite. Quoi, du net. Du coup, ça me fait penser à Framasoft. Est-ce que c'est eux qui font des googlisons Internet? Oui, c'est eux qui... D'ailleurs, ils ont fait une conférence que j'ai loupée parce que j'en avais une autre en même temps. Mais du coup, ils en ont quand même... Oui, parce que c'est un projet qui doit être assez gros, donc ils ont dû quand même en parler lors du Capitole du Libre. Oui, c'est ça, oui. Donc, eux, leur but, c'est de dégoogliser. C'est pour, évidemment, parler du grand Satan. Google ne reviendra pas là-dessus, qui est un très bon moteur de recherche, mais pour le reste, c'est toujours question à débat. Et donc, eux, leur but, ce n'est pas de rassembler toutes nos données chez eux, mais de donner des solutions à des problèmes divers et variés, comme par exemple GitHub, qui n'est pas un logiciel, c'est un logiciel de gestion de serveur et de version des fichiers. Ce n'est pas quelque chose de libre. Eux ne proposent pas de solution, mais ils en proposent d'autres qui sont libres, par exemple. Comme moteur de recherche, par exemple, ils proposent DuckDuckGo, pour ceux qui connaissent. Ouais, j'avais déjà essayé, DuckDuckGo qui a fait des gros progrès, voilà. Après, c'est pas... il a du mal avec ce que j'appelle les régions, donc des fois, c'est pas toujours... les résultats sont pas forcément d'une pertinence flagrante, mais c'est pas mal, quoi. Ok. Est-ce que tu as d'autres choses à dire ou des impressions? Est-ce que tu retourneras à mon avis, ça se passe tous les ans ou... Oui, ça se passe tous les ans, c'était la 3e édition. Cette année, chez Mémoire et Bonne. Et je pense que oui, j'y retournerai très très fortement. On retrouve en plus, il y a pas mal de gens sur les distributions GNU/Linux, pardon. Oui. Et c'était pas mal, quoi. Ouais, c'est vrai que si l'année prochaine je peux y aller, je pense que j'irai avec toi. Ouais, ça peut être quand même un truc assez intéressant. Si on s'intéresse à l'informatique en général et à la culture en général, c'est vrai que c'est très enrichissant. Bon, on part souvent avec plus de questions que de réponses, parce que les problématiques sont excessivement compliquées. Oui, parce que du coup, on gratte juste à notre niveau un petit truc, et vu qu'on est plusieurs, et que d'autres personnes ont déjà sont déjà posé la question dessus, donc du coup on enfin ouais notre toute petite question qu'on trouvait, ouais, bah c'est une toute petite problématique, au final ça prend des grandes proportions. C'est ça. Puis comme le résumait si bien Lionel Morel, donc Canimac, il avait commencé sa conférence par les photos de Phila et Rosetta. Ils étaient allés les voir en 2004, au lancement de la fusée, donc de la... je me rappelle pas le nom, je trouve pas bon, de la fusée on va dire, hein. Faire simple pour gagner du temps. ils étaient allés les voir, et à l'époque ils avaient dit... Il leur avait demandé de mettre les photos dans le domaine public. Alors bien évidemment, oui, mais vous comprenez, c'est très compliqué, tout ça, c'est beaucoup de choses. Et finalement, les gens se sont rendu compte que l'atterrissage de la fusée, on a eu droit à des photos directement dans le domaine public. Ah. Donc la fusée a mis 10 ans pour arriver sur la comète, mais les photos aussi, elles ont mis 10 ans pour arriver dans le domaine public finalement. Voilà, c'est tout le cheminement qu'il a fallu. D'accord, ben c'est ouais, c'est. Je pense que j'irai la prochaine fois. Ouais. Oui, voilà. Donc faut prendre le temps, faut prendre le temps de la réflexion. C'est intéressant, quoi. C'est vrai, dans le genre de, j'allais dire de convention maintenant de salon, c'est que ouais, c'est tu dois apprendre plein de choses sur des domaines, peut-être pas pointueux, mais presque. Au final, c'est vraiment un domaine super vaste et on aborde qu'une seule problématique du coup. C'est ça. Et puis par exemple avec la musique, bon je pense qu'on va finir là-dessus. Par exemple quand on parle de musique libre, tout à coup m'est venue une idée qui était à la fois intéressante et farfelue. C'est, je me dis coucou à moi-même en disant ça, est-ce que je peux remixer moi-même mon podcast? Ou laisser ça à quelqu'un? Finalement il n'y a pas de licence sur le podcast pour l'instant, ça n'a pas été très peu abordé. Et donc forcément sur tout ce qui est du domaine sonore, à savoir bruitage, genre Martin Luther King, tout ça, il y avait Dream, finalement, que penser de cela, quoi. Ouais, c'est vrai que je me suis même pas posé la question, ouais, sur mon propre podcast, si je vais mettre une licence ou un truc du genre. Non, juste c'est une mention. C'est que les gens n'ont pas le réflexe parce que ça va. En fait, c'est ça, c'est par petitesse, en fait. Souvent, sur les photos, on y pense parce que c'est assez. Le réflexe est arrivé, mais sur ce genre de problématique, c'est pareil, parce que ce n'est pas arrivé dans la musique en général, c'est pas... voilà. Et donc, en découle que des choses comme ça. Et c'est là que ça devient intéressant. Et bon, je pense qu'on peut s'arrêter là-dessus, parce que les problématiques sont nombreuses, et je pense qu'on pourrait en parler très longtemps. Moi, je vais juste rajouter un dernier truc dessus. Je pense que je vais mettre le podcast en beerware. Ah, tu connais cette licence? Je connais cette licence, je sais qui me l'a montré, c'est bon, je ne citerai pas de nom, c'est notre cher ami Lance Patate. Ah. Mais oui, il y a la licence Fuck Yourself aussi. Ah ça, je connaissais pas. Oui, il y en a plein, des licences, il y en a des tonnes et des tonnes. Mais ouais. Mais bon, la beerware, elle est plutôt pas mal. Vraiment quelques mots dessus. C'est si vous aimez ce qu'on fait, dites-le nous, payez-nous un coup à boire, et puis voilà. C'est ça, licence beerware. C'est ça. Bon, je pense que c'est bon pour le Capitole du Libre. C'est bon pour le Capitole. Donc du coup, voilà. On peut enchaîner sur quelque chose qui s'est passé, du coup, le même week-end que le Capitole du Libre. C'était du coup, je sais plus si tu l'as rappelé, mais c'était le week-end du 15 et 16 novembre. Moi, c'était 15 et 16 novembre. Ah, donc du coup, c'était aussi sur 3 jours. Oui, c'était, mais après le vendredi, c'était la journée professionnelle. Oui, donc, voilà. Du coup, exactement en même temps, à Colomiers, juste à côté de Toulouse, il y avait le festival BD de Colomiers. Donc, c'est un festival BD qui est plutôt pas mal. Moi j'aime bien, ça fait du coup 4 ans que j'y vais. Et à chaque fois ça aborde c'est très centré sur des éditeurs on va dire indépendants. Ouais, c'est ça. Même si ça peut être de grosses maisons d'édition indépendantes, ça reste quand même des indépendants, donc c'est, j'aime bien, donc c'est là, donc du coup c'était donc pareil le vendredi, donc c'était pareil réservé aux pros, une journée professionnelle et scolaire. J'y suis allé l'année dernière, cette journée-là. J'avais fait le vendredi et le samedi, je crois, et un petit peu le dimanche, mais très vite fait. Mais c'est vrai que pour l'avoir fait, le vendredi, c'est très scolaire. Il y avait des classes dans tous les coins. Et donc, c'est des trucs à faire au moins une fois pour voir comment ça se passe. En tout cas, il n'y avait pas beaucoup de monde pour faire les dédicaces cette année-là. Ouais, le vendredi, ouais, quand c'est journée scolaire, du coup, Logique. c'est les enfants, donc il y a beaucoup moins de queue que le samedi. Pour l'édition de cette année, c'est pareil. Donc, là, ils ont mis en avant quatre maisons d'édition. Il y avait La Pastèque, Misma, Milan Presse et le collectif Vignette. Donc, ça brasse un peu tous les genres dans on va dire vraiment dans la BD, parce que Milan Presse, ça fait un petit peu de BD, mais c'est plus Du jeunesse. du jeunesse et du kiosque. Oui, beaucoup. Donc il y avait quand même deux, trois auteurs de BD. Là, en plus, c'était très thématique. Dans l'espace Milan Presse, ça ressemblait à une salle de classe, en fait. T'avais vraiment les salles de classe vraiment de tout petit, donc on va dire vraiment maternelle, primaire, voire, ouais. C'est vraiment les petites chaises, tout décoré comme si c'était une salle de classe. Donc c'est des trucs, C'est très plaisant. ouais, c'était sympa. Je sais qu'une fois aussi, la thématique sur tout le salon, c'était les journaux ou les enquêtes policières. Et donc du coup, en fait, ils avaient recréé un décor pas de maison d'édition, mais des bureaux d'édition d'un journal où c'était Ah, vraiment d'accord. des box si ouais c'était des box où t'avais des tables où tu pouvais faire des interviews d'auteurs où tu pouvais aller sur internet pour taper pour faire tes recherches ou autre. Donc ils ont tout le temps des petites thématiques comme ça que je trouve assez quand même assez sympa. Ça permet quand même de rentrer dans l'ambiance. Après au niveau du prix. Donc c'était 3 € pour un jour et 5 € les 2 jours. Et surtout, surtout. Après, c'était gratuit pour les moins de 18 ans, les étudiants et porteurs de la carte passe au passel. Donc c'est pour le train Le et le TCE train, ouais, le TCO, c'est les bus et le ouais c'est métro. bus et métro, c'est ça, ouais, de Ouais. la région toulousaine. Voilà. Du grand, comment ils appellent ça? Du Grand Toulouse, je crois. On met toujours grain quelque chose, Voilà. grain ville, le grand Paris, toujours. Non, et puis c'est bien gratuit pour les moins de 18 ans, hein, je trouve ça c'est Ouais. intéressant, quoi, parce qu'on pourra, on en reviendra un petit peu encore au-dessus un petit peu plus tard. Il y a des salons qui font pas ça et c'est un petit peu gênant, quoi. Mais après, ils proposaient aussi, donc il y avait bien sûr de l'espace dédicace avec du coup les quatre maisons d'édition qui étaient mises en avant, qui avaient un espace plus en particulier, qui était plus thématique. Avec leur propre expo qui était affichée dans leur espace avec des je me rappelle alors je sais plus le nom qu'est-ce qui avait fait ça mais en fait t'avais juste une image dans un cadre et t'avais un écouteur t'avais un casque à te mettre sur les oreilles et t'avais une bande sonore qui passait comme ça tout le temps donc c'est voilà donc ça c'est pas vraiment de la BD parce que là c'était plus vraiment une expo on va dire art contemporain ou ce genre de style-là mais c'était plutôt pas mal. Ensuite il y a eu plusieurs expos vraiment après en dehors du festival qui dure un certain nombre de jours dans ce qu'ils appellent en fait le pavillon blanc donc ce qui correspond en fait plus ou moins une médiathèque ou on va dire ouais, une médiathèque centre culturel. J'ai une salle de conf, on peut aller sur internet, donc il y a on va dire cybercafé, on peut aller lire des livres, il y a un espace cinéma sur le dessus et il y a un espace galerie pour tout ce qui est œuvre d'art et compagnie. Donc là, donc il y avait des conférences dans la salle de conférence. Donc l'année dernière, j'ai pas fait de conférence cette année, mais l'année dernière, il y avait aussi une explication de peinture, une explication en fait, on posait une thématique à l'auteur qui était présent et dessinait en live. Elle avait fait une truite ou un bateau et puis elle utilisait plusieurs styles. Donc elle avait du feutre, elle avait de la peinture, elle avait des crayons de couleur, elle faisait du stylo. Donc c'était intéressant à voir. Donc il y a souvent des petites conférences comme ça. Ensuite il y avait deux on va dire, véritable grosse expo dans le, bah, une dans le, oui, deux dans le pavillon et une plutôt en extérieur pour le festival. Que la première dans le pavillon, donc c'est une exposition de, alors j'ai un accent japonais très très médiocre. Donc c'était une exposition de Yuichi Yokoyama. Donc voilà, donc il y avait des toiles ou des œuvres qui étaient exposées donc dans le pavillon blanc, bah, au pavillon blanc plutôt. Et donc ça c'est une exposition qui reste jusqu'au 20 décembre, donc il vous restera un peu de temps pour aller la voir. Alors, en fait son style c'est très particulier parce que ça mélange de manga vraiment dans le style bah, super dynamique, des trames, des ouais voilà, des trames. Et en même temps, bah, c'est les visages, en fait, il s'est inspiré de masques africains. Donc, je vais vous montrer des, je vous mettrai des, ouais, des photos, sur, dans l'article. Et en fait, bah, les visages, voilà, c'est des trucs super onguleux, bien, en fait, ça mélangeait vraiment deux styles complètement différents. Oui, pour le coup, c'est sûr que là. Ouais. Et il y avait bah des morceaux d'exposition. Bah il y avait des planches d'une, je me rappelle plus de la BD, mais donc du coup il y avait une vingtaine de planches où tu voyais en fait trois ou quatre personnes qui sortaient d'un bâtiment et qui marchaient le long de la route. Et à un moment, bah t'avais une grande case où tu voyais, on va dire, c'était une double page. Et en fait, tu voyais le décor où c'était une ville où donc tu voyais les villes, les bâtiments et tout, c'était vraiment, on va dire, cubique. Et à côté, eux, ça tranchait avec leur visage vraiment anguleux, rond, avec des formes bah, pas habituelles, voilà. Ouais. Et après, bah, t'avais, à la fin, je crois que c'était un avion qui décollait, donc tu le voyais successivement sur plusieurs planches. Donc l'avion qui était tout petit et plus en plus qui se rapprochait des héros. Donc il y avait vraiment l'aspect dynamique de la planche, en fait c'est assez impressionnant de voir ça. Pas mal, ça m'a l'air plaisant. Ouais, bah du coup là c'est jusqu'au 20 décembre et du coup c'est l'expo, elle est gratuite parce que c'est dans le pavillon blanc, donc c'est des trucs pas mal. Je sais que du coup il y avait aussi un espace, donc toujours dans cette exposition là où on pouvait faire nos propres visages. Donc t'avais en fait des feuilles imprimées où t'avais un carré, un losange, un triangle, et du coup tu pouvais faire un visage par-dessus. Et tu pouvais l'accrocher au mur et l'exposer. Donc c'était plutôt un peu impressionnant. Ensuite, deuxième expo, donc qui est aussi au pavillon blanc et qui s'arrête aussi jusqu'au 20 décembre, c'est alors c'est l'expo exotique. Et là en fait c'était ça se décale un peu vraiment de l'univers de la BD parce que là c'était plus des créations, donc t'avais des affiches de films, t'avais de l'ambiance, donc tu mettais un casque et en fait bah t'entendais vraiment de la musique différente ou vraiment thématique. Je me rappelle qu'il y avait une valise en fait qui était accrochée sur c'était pas vraiment un mur mais c'était une sorte de palette en bois en fait. Qui te faisait en fait une petite structure où t'avais la palette, la valise qui était accrochée dessus et t'avais juste un fil qui sortait pour pouvoir mettre le casque sur tes oreilles et un petit écriteau qui t'expliquait en fait une ambiance où là c'était un voyage dans une île un petit peu bizarre où les gens bah, parlaient pas parlaient d'un dialecte vraiment vraiment bizarre, donc particulier, ouais, particulier et pas compréhensible par la personne. Et donc, ouais. Et donc du coup cette exposition là aussi ça mettait en avant des pays vraiment imaginaires ou des villes imaginaires et tout ça en fait c'était créé par plusieurs auteurs complètement différents et ça s'est regroupé en fait en un monde, on va dire. Donc t'avais au début de l'expo une carte au sol super grande, super détaillée avec vraiment les endroits de comme si c'était une vraie carte du monde en fait. Ah, pas banal ça. Ouais, c'est du coup tu entrais vraiment dans l'exposition, bah pareil, en plus tout était mis en palette. Donc du coup ça donnait un petit cachet en plus. Pas mal. Ouais. Ensuite on va dire la troisième expo, c'était vraiment en plus une expo, on va dire un petit peu particulière parce qu'à chaque fois lors du salon du festival BD de Colomiers, il y a toujours une exposition qui est mise en avant en extérieur, dans la ville en fait. Et Ah là, en oui, fait, ah c'était alors John McNung qui a fait des affiches ouais. où c'était vraiment bah, là très pas épuré, mais c'est voilà, on allait à l'essentiel. C'est lui qui a d'ailleurs qui a fait l'affiche du festival de cette année. Je sais pas si tu Ça, vois j'ai vu, ouais. avec le cerf et tout. Donc Très c'était joli, tous ouais, je trouve. ouais, c'était tout dans ce style-là. Donc il y avait plusieurs choses, plusieurs thématiques. Donc c'était moi j'ai bien aimé cette exposition-là. En plus bah ça te fait un chemin entre vraiment la salle Cominang où là il y a toutes les dédicaces. Et le pavillon blanc qui est à, on va dire, 2 minutes à pied de l'espace de dédicace. Du coup, tu suis ce chemin-là pour aller voir on va dire, du pavillon à l'espace dédicace, tu suis le chemin et en fait, bah, t'as les affiches. Donc c'était plutôt pas mal. Je sais que l'année dernière aussi, ils avaient mis des deux préfabriqués juste au début du chemin. Donc quand on sortait du hall de dédicace, dehors, donc on allait vers le centre, et là en fait il y avait deux préfabriqués où dedans tu avais encore une exposition. Et tu pouvais, je sais, dans un, tu avais alors c'était Punk et Repunk, donc là c'était des détournements d'images où tu avais une image d'une famille ou que de filles où ils étaient vraiment 10, ouais, une bonne dizaine. Et toutes les filles, en fait, les mecs, ils avaient, bah, les mecs, les personnes avaient rajouté une moustache sur chacune des filles. Voilà, Ah, c'est d'accord. des trucs de ce style-là. Donc c'était plutôt mal. Donc en plus de ces expos et de ces conférences, il y a eu aussi un match d'impro organisé par le dessinateur et sa Ced, donc qui est souvent chez Macaca, donc il a fait Lily Sparrow, il a fait bon voilà plein de BD chez Macaca. Non, en fait il fait aussi partie d'une troupe d'impro, donc ils étaient trois vraiment on va dire à faire de l'impro, et lui il était plutôt il en fait aussi de l'impro mais il faisait plus du dessin à côté en fait. Ouais, ça se fait beaucoup ça Ouais, maintenant, et ouais. en fait il y avait plusieurs thématiques et du coup c'était plutôt intéressant. Bon, j'explique très mal mais faut le voir. Donc il y avait les trois acteurs par exemple pendant un moment qui improvisait sur un thème que nous on avait décidé, parce que, à savoir au début, on avait en fait un petit papier, on devait mettre son nom, son adresse mail pour avoir des infos, et un thème, donc on pouvait mettre ce qu'on voulait. Ils ont bien précisé ne pas parler de l'affaire Nabila qui était en cours. Et comme par hasard, il y a quelqu'un qui l'a marqué, il a été tiré au sort, c'est la loi de Murphy. Ça. Et donc là, en fait, bah, il y avait un moment, il dessinait le thème, c'était le camping. Et en fait, donc ils étaient donc la troupe d'impro, donc il y avait une fille, deux garçons et Ced, donc qui était plutôt au dessin. Et là, en fait, c'était la fille, donc je me rappelle plus de son nom, qui improvisait sur le thématique du camping. Donc elle racontait, bah elle improvisait. Elle disait ouais bon bah je suis parti en camping, je sais plus où. J'ai rencontré un surveillant de piscine. Il était plutôt beau gosse, mais assez timide, mais c'était très mignon. Et puis en plus il était super fin. Et voilà, donc du coup pendant qu'elle improvisait, derrière scène en fait il mettait en image son histoire. Donc au tout début il a fait Ah ouais, d'accord. une tente canadienne classique. Il a commencé à faire la tête du personnage qui était la tête et le haut du torse. Donc tête super carrée, les épaules super larges, vraiment musclées. Et quand on a dit ouais bah en fait il était tout fin. Du coup bah toute la partie le bas du ventre et les jambes bah, en fait ça fait vraiment tout fin. L'image finale est assez bizarre parce que du coup ça mélange plein de choses différentes au fil de l'histoire qu'elle racontait. Donc après donc il y a eu ça, ensuite il y a eu comme autre chose, il y avait une personne du trio qui est sortie de la salle, le deuxième mec à raconter une histoire toujours par rapport à une thématique. Donc là, c'était la thématique, c'était méchant. Donc il a raconté l'histoire d'un méchant monsieur qui aimait être méchant, ouais, et pas gentil, qui faisait des crasses tout le long de la journée, donc au boulot, chez sa voisine. Donc par exemple, on a un moment, il a raconté l'histoire que au boulot, il criait partout, il piquait des trombones sur le bureau, puis il accusait le voisin ou ce genre de choses. Ensuite, d'accord, la troisième personne qui était sortie revenait dans la salle. Là, c'était la fille qui mimait l'histoire qui venait d'être racontée. Donc elle était partie, donc elle a mimé en plus le matin, donc là, dans l'histoire, le matin, le monsieur, il se réveillait, il était gros et en sueur, donc du coup il dégouline partout. Et la fille, donc du coup, elle a fait vraiment le type qui fait lourd avec les bras vraiment en arc de cercle, vraiment toi tu l'imagines bien vraiment lourd et tout, et puis à un moment elle fait signe comme quoi elle a de la sueur, puis elle se lèche la main. Donc c'est des trucs de ce détail là. Et ensuite, la troisième personne devait raconter l'histoire qui venait d'être mimée. Donc c'est à ce moment-là, tu dis, ouais, ils sont quand même plutôt balèzes, parce qu'il a raconté à peu près, on va pas dire mot pour mot, mais il a raconté à peu près la même histoire. Sauf que du coup, c'était plus un méchant bonhomme, mais lui, c'était un chat. Un gros chat vraiment méchant. Et donc du coup, il y a une scène, à un moment, il faisait des... Donc quand il était dans le bureau et qu'il emmerdait sa voisine à piquer des trombones, lui il a fait exactement la même chose. Mais tu sais, ils ont pas communiqué entre eux, mais il a peut-être dû entendre, ou tu sais, ces trucs que t'as forcément sur le dos, donc tu piques les trombones. Et là il le dit vraiment, j'ai piqué les trombones et tout, j'ai accusé l'autre. Et à un moment il a fait le chat, tu sais, qui siffle, comme si qu'il était énervé, donc vraiment, comme ça, avec les pattes vraiment en avant, les doigts bien écartés, puis il sautait partout et tout. Donc c'était vraiment rigolo. Voilà. Donc c'était. Moi, j'ai bien apprécié ce match d'impro. Après, moi, je vais pas tout raconter, mais il y a eu plein d'autres choses, plein d'autres thèmes. Et à noter aussi qu'ils seront au Rex de l'humour le 22 décembre à Toulouse. Donc si vous êtes sur Toulouse et que vous avez moyen d'y aller, allez-y, parce que c'était vraiment très très rigolo. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Ensuite, comme autre activité, il y avait aussi une projection de film. Donc là, c'était 5 courts-métrages qui rentrent dans le... Alors, comment expliquer ça? C'est, en fait, la projection, c'était vraiment thématique. Et le thématique, c'était Fantastique Livre Volant de Monsieur Maurice Lesmore. Donc je sais, c'est une projection de cours qui a beaucoup marché un peu partout en France. Et il me semble, j'ai pas revu dans le programme, mais il me semble qu'il y avait aussi le professeur Hublot ou Mulot, je sais plus le nom exact, qui avait fait partie aussi de courts-métrages projetés dans divers festivals et qui avaient beaucoup, beaucoup bien marché. Même si c'est pas français ce que je viens de dire. Ouais, c'est pas grave, on comprend. Rire à rien. Après, est-ce que... Je sais que toi, t'es déjà allé il y a longtemps au festival de Colomiers. Ah, moi j'y suis allé à la période de transition, en fait. C'est parce que le festival, s'il est devenu indépendant, c'est parce qu'il était géré à une époque par des requins marteaux. Qui était à l'époque à Albi, qui sont maintenant sur Bordeaux, donc c'est eux qui géraient le festival, c'est pour ça qu'il a pris une orientation indépendante. C'est pour ça. Mais j'y suis allé il y a... 2008, je te dirais, je pense, parce que j'ai retrouvé des dessins de Benjamin, auteur chinois qui vient de sortir une nouveauté chez Pika, ceux qui se renseigneront, Chinese Girl, et ils étaient datés de 2008, d'accord. Donc je pense que c'était 2008. Non, après c'est un petit salon de BD plutôt sympa à faire. Ouais. Oui, c'est ce petit. Ouais, ça sent vraiment de l'ordinaire. Quoi. Les salons plus généralistes, comme on en parlera un petit peu plus tard, mais ça y en a pas trop en France des initiatives comme ça. Ah, je pense que si quand même on doit avoir. Après, quand on regarde sur Opal BD, on doit quand même trouver des petits festivals indépendants comme ça. Indépendants, c'est un peu plus compliqué. Bon. l'essentiel, c'est de regarder là-haut. Père Noël, fais-nous la plus belle. Cette année, j'ai pas été sage. Je me suis comporté comme un sauvage. À l'école, j'ai fait des ravages et rendu mes parents verts de rage. Des cadeaux, j'en ai pas mérité, mais je sais qu'elle va m'en apporter. C'est nos Noël et ce soir l'essentiel, c'est de regarder là-haut. Père Noël, fais-nous la vie belle, belle, belle. Oh, c'est génial. C'est nos Noël et pour lui dans le ciel, on est des angelots. Père Noël, fais-nous la vie belle. Ah, yeah. J'avais promis d'être mignon et puis j'ai mangé comme un cochon. Du coup, on peut enchaîner sur une autre grosse sortie, hein. C'est... Ah, ce n'est pas la grosse sortie, même. Oui. Mais de quoi donc on va parler, donc? Le TGS. Ouais, on va parler du coup du TGS. Donc, pour vraiment, après, moi, le TGS, j'en ai déjà fait un quoi qui se passe dessus, très très long. C'était le premier podcast que j'ai fait avec Musica, du coup. Donc si pour avoir plus d'informations vraiment sur la partie historique, parce qu'au début on revenait vraiment aux détails dessus. Moi, j'ai un petit peu abandonné depuis parce que on trouvait pas forcément toutes les infos et du coup je trouvais ça un petit peu chiant. Mais du coup, ouais, si vous voulez écouter, donc c'est le tout premier quoi qui se passe, donc l'after, le before et l'after. Donc voilà, jetez-vous dessus. Bon, c'est peut-être pas la qualité optimum des podcasts, mais voilà, c'est un pilote, quoi. Donc du coup, bah le TGS, bah c'est une convention Japanimation jeu. Science-fiction. Science-fiction, ouais, c'est vrai. C'est, ça prend de plus en plus de l'ampleur de science-fiction. Comme le Paris manga, sci-fi show. Faut rajouter voilà. Le sci-fi show. Ouais, ouais, c'est bon, c'est... Ouais, mais Paris manga, c'est pour les kikous, quoi. Paris manga. Donc du coup bah là le TGS 2014 donc la grosse version s'est coupée en deux. Donc c'était le 29 et 30 novembre dernier. Donc pour nous c'était il y a une grosse semaine, ça, on va dire. Donc pour recadrer pour cette année un peu. Donc il y a eu un pôle Japon un petit peu plus important que les années précédentes. Oui, c'est vrai, vraiment pôle Japon avec vraiment bah l'espace on va dire culturel et vraiment un gros focus dessus, donc c'était plutôt pas mal. J'ai bien aimé. Ouais, c'était. D'ailleurs, ça avait été mis en place en collaboration avec le consulat, je crois, du Japon à Marseille, si ma mémoire est bonne, ou quelque chose d'approchant. Si je ne me trompe pas. Et après, ouais, il y a eu le pôle Ankama aussi, qui était un petit peu plus important que les années précédentes, donc avec Visiteurs du futur, je crois. J'ai pas trop fait le tour de ce côté-là. Mais... Non, mais en fait, il n'y a pas eu de pôle Ankama. Il n'y a plus de pôle Ankama du coup. Ah, bah, c'est du coup, idée, ouais. En fait, il a un petit peu disparu. Ça a été annoncé donc dans l'une des conférences du TGS Spring Break en avril, comme quoi il y aurait Ankama qui serait là avec un gros stand, plus gros que celui de l'année dernière quand ils étaient venus au mois de novembre 2013. Mmh. Et bah bizarrement, ils sont pas venus. Ouais, c'est... Ouais, après... J'ai pas besoin de faire le tour, mais c'est vrai que... Ouais. Après, moi, après, c'est peut-être pour d'autres raisons, voilà, donc... Après, il n'y a pas de souci, il y a quand même eu du contenu, mais du coup, bah, ça enlève un gros stand qui était remplacé quand même par des stands de vente de goodies ou de sabres, trucs du genre. De saloperies... Donc, voilà, donc... Je dirais pas plus. Il y avait 5 halls, et on va dire, sur les 5 halls, il y avait donc... Le petit hall 1 qui était, on va dire, pour la queue, mais on va revenir après sur la queue. L'entrée des coulisses. Ouais. Et du coup, il y avait, on va dire, sur les 4 halls qui restaient, 3 halls où c'était vraiment bah, des trucs de vente. C'était des stands commerçants. Donc, après, oui, c'est comme ça qu'ils font vivre les festivals. Mais du coup, 3 halls où t'as la même chose, c'est, voilà, c'est vite gonflant. En plus, tu vois pas tout parce qu'il y a plein de monde. Oui. Mais là, c'est. Voilà, cette édition, pour moi, ils ont essayé de tenter des nouvelles choses. Comme à chaque fois, mais là, ça. Comme à chaque fois, ça n'a pas trop marché. Donc, on verra pour l'année prochaine ce que ça va donner. Oui, après, il faut. Pour mettre un peu d'eau dans le vin, il faut dire que la salle des expositions de Toulouse est un peu beaucoup vieillissante. Ouais, c'est clairement pas du tout adapté pour ce genre de convention. Voilà, bon. Bon, pas aussi grande. C'est ça, pour les gens qui sont déjà à Japan Expo, c'est un peu le jour et la nuit, quoi. Oui. Donc on a une structure ouverte contre une structure très très fermée, donc à savoir des portes qui communiquent de hall en hall, qui sont plombées par des poteaux totalement gigantesques. Mmh. Oui, puis même, c'est... Toi, quand ils ont annoncé qu'il y aurait un hall vraiment spécifique pour les queues, pour déjà avoir fait deux ou trois fois Japan Expo, je fais « Ah bah c'est cool, ça va faire pareil, donc il y aura moins d'attentes ». Le samedi matin. Et au final, non, gag. C'est, il y a eu un hall de queue, ouais, mais la queue était peut-être pas assez bien structurée ou organisée correctement, mais c'est, voilà, c'est des trucs qu'il faut clairement qu'ils revoient, ils revoient leur copie au niveau des queues, parce que, donc pour revenir sur la petite polémique, en fait, nous on est arrivé à 8h30 du matin. Donc c'est à l'heure qu'on arrive à peu près chaque année, que ça soit au TGS normal ou au Spring Break et anciennement au Hanami. Au Hanami, il n'y a pas de problème, on arrive à 8h30, en dépassant un petit peu, sachant que ça ouvre, logiquement les portes ouvrent pour les préventes à 10h ou 10h30, je sais plus trop. Oui, ouais, bon, par là, on va dire qu'on s'en va. On a réussi, on rentre toujours sur 10h30, voire 11h vraiment. On a le temps de faire la conférence, on a le temps de faire l'inauguration du salon. Là, bah, ça fait trois ans qu'on est au Parc des Expos, trois ans qu'on loupe la conférence d'inauguration parce que la gestion de l'entrée est complètement catastrophique. Ça, c'est... Ouais. Il n'y a pas d'autre mot. Quand on est arrivé à 8h30, on est rentré, il était midi moins le quart. Oui, on est retour pour la première année où des gens qui étaient arrivés à 10h30, 11h sont rentrés à 3h de l'après-midi. Voilà, c'est ça. On va pas dire que c'est totalement de leur faute, mais il y a quand même la gestion de la file à l'intérieur même. Et qui est pas bon. Ce qu'ils avaient fait l'année dernière au Spring Break, je sais pas si toi tu l'avais vu, où ils avaient mis directement l'entrée en extérieur, où ils donnaient déjà les bracelets pour entrer. Oui. Et du coup, tu rentrais, il y avait pas la queue. Clairement, on est arrivé, il y avait pas un chat. On est rentré et pour en rentrer ensuite à 10h30, ça allait nickel. On est rentré, en 10 minutes. Bon, peut-être un peu plus, mais voilà, ça rentrait nickel. Donc là, c'est l'un des deux gros points négatifs que j'ai à voir sur cette édition. Après, je sais pas si toi t'as. J'ai un petit peu le même. Bon, je suis du Lima, c'est toujours plus tranquille, ouais. Ça les gens le sauront en force. c'était que le gros, gros, gros, gros, gros, gros point noir pour moi, ça reste quand même que cette année-là, il n'y a pas eu d'entrée handicapée, je trouve, parce que mon père est en invalidité. Je parle pour lui, mais je parle surtout pour d'autres personnes. J'ai vu des malvoyants, j'ai vu des gens en fauteuil. C'est problématique pour eux de faire la queue, surtout que quand on est allé voir les responsables de sécurité, ils n'avaient pas l'impression de savoir où était cette entrée-là, ils sont allés demander. Mmh. Je trouve ça quand même problématique pour une convention qui a quand même accueilli, je pense, plus de 45 000 personnes, 50 000 annoncées quand même. Ils ont annoncé plus de 50 000, donc ça fait, je crois, par rapport à l'année dernière, quand j'avais fait le pilote avec Musica, ils étaient à 45 000, donc ça fait quand même 10 000 personnes en plus. Voilà, sachant que le premier TGS, c'était entre 11 000 et 15 000 personnes, grand maximum. C'est les chiffres que j'avais en tête quand j'ai fait la recherche justement pour le pilote, ils ont commencé à 10 000, donc ils ont fait un petit TGS là en une année. C'est impressionnant. Mais c'est vrai que ça, moi, je trouvais ça assez problématique, surtout que la seconde année, donc l'année dernière, il y avait les tickets express et les places handicapées étaient directement reliées. Donc c'est déjà cet affichage-là, ils n'ont pas pu le mettre à cause du fort vent qu'il y avait ce week-end-là. Oui, après ils ont joué de malchance parce que du coup il a eu du vent, donc il n'y avait pas d'affichage extérieur. Comme il y a pu y avoir les années précédentes ou pour Spring Break, où vraiment tout était nickel. C'est ça. Après, on pourra toujours trouver d'autres motifs de grief, surtout par rapport à contre la mairie de Toulouse, qui met en même temps que le TGS une course, je l'ai su plus tard, mais surtout le salon de l'érotisme. Ils l'ont mis, personnellement, pour être les deux jours là-bas, j'ai vu aucune affiche. Je l'ai vu 2-3 semaines avant quand je suis allé au salon de Colomiers. Je fais il y a le salon de l'érotisme qui tombe en même temps, mais sur place, aucun indicatif. C'était très étrange. Ouais, c'est. Pourquoi pas, mais du coup, ça fait vraiment bizarre de proposer ça. Oui. Ensuite, je vais passer au deuxième petit coup de gueule. C'est. Pourquoi proposer la conférence de visiteurs du futur dans une salle qui a 40 places ? Ah ça. Il y a bien quelqu'un qui a dû valider ça, c'est pas possible. Non mais je comprends pas non plus. Surtout parce que l'engouement du visiteur du futur. Oui, c'est ça. Et là en plus, la salle, c'était la salle vraiment des web-séries. Donc, dans un sens, le visiteur du futur, web-série. Je suis d'accord, ça peut se mettre, ça tombe tout le sens. Et 40 places, non, c'est pas possible. Bon, c'est comme, ils auraient fait pareil avec Hirocorp, ça aurait été la même chose, quoi. Quand on voit la fanbase qu'il y a derrière, c'est assez impressionnant. Oui, c'est pour ça, Hirocorp directement amphithéâtre. Mais évidemment. C'est logique. Visiteur du futur, amphithéâtre. C'est, pour moi, ça tombe sous le sens. Mmh. Bah, après, après, ça peut aussi rentrer en circonstance que les salles n'étaient pas libres ou dispo à ce moment-là. Que bah, oui. Du coup, faut quand même caser quelque chose. Mais ils ont quand même, ils auraient quand même dû prévoir. Ils l'ont vu parce que dans l'après-midi, ils ont déplacé la conférence dans l'amphithéâtre à la place de 7h30 dans la petite salle. Ils l'ont mis dans l'amphithéâtre à 20h. Mmh, ouais, un peu tard. Donc, ouais, c'est déjà 7h30, c'était vraiment, vraiment tard. Mais là, du coup, ouais, c'est... Je sais pas, je comprends pas. Mmh. Bon, bah, à côté de ça, il y a quand même des bonnes choses. Nous, du coup, on a fait conférence des web-séries. Mmh. On a fait aussi la remise du prix des web-séries du festival web-séries francophone. Je pense que ça, dans cet ordre-là. Où il y a eu de bons trucs, j'ai fait de bonnes découvertes. C'était bien rigolo. Mmh. Oui, c'est vrai que le terrain des web-séries est très, très florissant pour le moment. Ça, c'est, ouais. On trouve pas mal de trucs, faut toujours un peu chercher, mais on trouve on trouve de quoi faire. Ouais, et puis là en plus voilà dans les séries qui étaient proposées, ouais, il y avait par exemple de mémoire, je fais l'annonce série où c'est une web série sur le concept de pas faire web série. Tout un concept. Ouais, c'est tout un concept où je sais, j'avais vu déjà avant un épisode avec Flaubert où en fait l'épisode se passe déjà dans un amphithéâtre. Où t'as les comédiens, fait bon bah pour l'épisode d'aujourd'hui on va inviter un guest, mais je sais pas si je peux vous le dire maintenant, donc il me faudrait quand même des figurants. Ok moi. Et bah donc il dessine une personne, il fait une fille qui fait puis t'as deux filles qui font il fait bon bah ça c'est bon aussi. Donc du coup c'est vraiment le concept de la non-série est plutôt pas mal. Donc ils ont récolté deux prix, alors je me rappelle plus les prix exacts qu'ils ont reçus, mais de toute façon, faut aller sur Internet, sur la page Facebook. Ils ont listé les récompenses. Mmh. Et il y avait aussi la web série Zikos, où là, c'est une bande de potes qui font de la musique et qui parlent dessus, et ça, c'était plutôt pas mal. Mmh. Donc voilà, c'est, il y a eu, bon, on a, comme à chaque fois, des points noirs, mais c'est, de toute façon, comme dans toute convention, on peut pas vraiment, ça peut pas toujours bien se passer, il y a forcément quelque chose qui va mal aller à un moment ou à un autre. Ouais, c'est toujours compliqué de bien caler le curseur, surtout d'autant plus qu'il y a du monde. Oui, et puis après, c'est un tout, c'est les locaux qui sont pas adaptés pour ça, clairement. Donc, clairement plus adaptés, ouais. Bon, c'est vieux ou chelier, ou ça doit être des années 70-80, ça vaut vraiment, le bâtiment doit être refait d'ailleurs. Oui, ouais, c'est normal. Ils ont le projet de partir vers Blagnac, je crois. Donc c'est. Oui, je crois. Ouais. Là, ça va être des trucs beaucoup mieux. Oui, beaucoup mieux, plus pensé. Je pense que de toute façon, de ce changement qui interviendra peut-être pas 2015, je crois 2016 ou 2017. Oui, après, ouais, là, ils peuvent encore quand même tester des trucs. Oui. Et vraiment faire une meilleure gestion de file d'attente, parce que il me semble que c'était l'année dernière où la file était en extérieur, il y avait une partie quand même en extérieur, mais une autre partie dans le hall 4. Mmh. Où là, personnellement, l'intérieur, les queues, on a attendu certes, mais ça allait. Mmh. Alors que là, on dira ce qu'on voudra, après ça fait quand même sur le prix du billet. Bah ouais, si on enlève 2 heures, voilà quoi. Nous, on a fait, on a pris des billets 2 jours. Mmh. On a fait une journée et demie. Et encore. Après, ça, c'est pas entièrement de leur faute. Voilà. Bon, à côté, quand même, on a fait quand même le petit rituel du TGS, c'est forcément le tomise, quoi. Ah, mais toujours. Ah, bah oui, toujours. Toujours un petit tomise au TGS, que ça soit en avril ou en novembre, faut y aller. Même si on est plus du tout à côté. Ah, bah ouais, là, c'est. Justement, en plus, nous on est allés, donc le tomise, en fait, c'est une chaîne de restaurants thématiques l'Amérique rockabilly. Des années 50-60. C'est ça, très rockabilly. Ouais, rockabilly, voilà, vraiment. Toute la thématique du rock'n'roll, des bons gros hamburgers, des trucs comme ça. Et donc du coup, vu qu'avant le TGS se passait à Diagora, à l'espace Diagora, à la Beige, il y avait tout un lot de restaurants à côté. Et franchement, le Tommy's, mais c'est l'étape obligatoire quand on fait un TGS, quoi. C'est... Non, il y a des restaurants, ouais, c'est vrai qu'il y a des chaînes de restaurants et le cinéma juste à côté de Diagora, qui était très intéressant. C'est vrai que ça a amené une sorte de une grosse plus-value, quoi. Oui, et c'était un petit peu aussi le grief qui a été donné, je crois, la première année qu'ils sont partis à Japan Expo. Au parc des expos. Au parc des expos, ouais. C'est que d'un coup, il y avait moins de restaurants. Ah oui, de suite à côté. Le seul truc qui est à côté, normal. C'est une piscine abandonnée. Ouais, à côté, il y avait, à la Beige, il y avait, on va dire, 10 restaurants. Oui, on va en citer 3 pour pas donner de marque, bien évidemment. Il y avait la pataterie, il y avait. Il y a 3 brasseurs, il y a un truc de pizza, il y a la boucherie, il y a le Tommy's, Voilà, donc. Il y en a. Il y a quand même quoi faire. Donc, c'est vrai. Passer de là où il y a tout au parc des expos, où certes il y avait, je crois, la première année, 2 stands de bouffe par hall. Mmh. C'est déjà pas mal. Mais même ça. Ouais. Enfin, on a fait le tour sur le TGS. Bon, après, c'était plutôt bien. On était avec des potes, donc voilà. Ça s'est bien passé. Après, voilà. Faut toujours regretter cet Amiens où il y avait 3 pèlerins un tonnu, mais. Comme on dit, à 5-4 000 personnes, faire un peu l'entendu, à part d'être à Paris, dans des halls totalement immenses, c'est toujours compliqué. Et donc, moi, c'est pareil, je suis globalement assez convaincu. Bon, c'est vrai qu'avec le monde, du coup, c'est un peu moins de choses, hein, surtout ça le grief, quoi. Comme il y a pas mal de bruit, on risque pas de discuter avec des auteurs de BD, on risque pas avec des concepteurs de jeux vidéo, c'est toujours un peu compliqué, quoi. Avec le brouhaha, mais bon, ça, c'est un peu lolo de tous les salons où il y a du monde, où il y a du bouquin, hein, mais. Oui, voilà, c'est ça qui est un peu embêtant. Après, je sais qu'il y a un podcast qui est allé. Alors, faut que je retrouve le nom. Mais demain, je crois que c'est Game Pocket. Mm-hmm. Qui a fait une review dessus. Et que, bah, du coup, c'était vraiment sur les jeux indépendants et tout. Et eux, ils avaient des accréditations. Donc, du coup, la queue le samedi matin, bah, ils l'ont pas eu. Donc, ça, voilà, c'est le fait d'avoir des passes presse, du coup, c'est. Ouais. Moi, c'est vrai qu'il y avait 2-3 stands comme ça, ouais, par rapport aux années précédentes. Il y avait, j'ai 2 noms qui me viennent en tête. Il y avait Open Pandora, donc c'est une console sur Linux, portable, et qui est plutôt bien faite. Je laisse les gens chercher, donc Open Pandora. Et il y avait le jeu qui a réussi son Kickstarter, d'ailleurs, j'y ai participé au mois de mai ou juin, donc c'est un JRPG. Avec des animaux anthropomorphes, donc des animaux qui ressemblent à des humains, qui s'appelle Shineless, qui est assez intéressant, qui est lors d'une idée bien mûrie, donc il y avait ça, voilà. Bon, j'ai pas eu le temps d'aller faire un tour, mais. Oui, après, ouais, il y avait clairement de quoi faire. Après, peut-être que nous, on était pas dans la cible, ou on avait peut-être pas envie de faire certains trucs, mais. Ben, c'est souvent ça dans ces gros salons, quoi. Dans les petits salons, quand tu peux discuter avec les gens, plus de convivialité, auquel il y a moins de bruit, tout ça. Si tu prends plus le temps que là, tu sens que t'as du monde derrière, tu sens qu'il y a du bruit. Un peu plus vite fatigant, quoi. Pour les nerfs. Donc voilà. Après, j'aurais qu'une seule chose à dire, c'est préférez, si vous êtes sur Toulouse, allez-y pour la version Spring Break en avril. C'est mieux. Enfin, c'est mieux. C'est l'espace Diagora à la Beige. C'est plus calme. C'est plus calme. Il y a plein de choses que. Mmh. Après, c'est peut-être nous aussi, on est nostalgique de quand c'était là-bas, quoi. Non, mais je pense que les expositions, tout ça, ça va à Toulouse et les hauts de chez Vieux, déjà. Je pense que ils auront changé de lieu. Espérons qu'ils tiennent jusque-là. Bon, je pense que vu les chiffres, l'accident n'est pas si vite arrivé. Mais bon, quand on voit tout ce qu'ils ont annulé de Japan Expo cette année. Oui. On peut toujours se poser des questions sur les normes de sécurité, tout ça, mais normalement, ils devraient tenir jusqu'à la nouvelle salle des expos, et d'ici là, et à ce moment-là, on pourra, je pense, traiter sur un pied d'égalité avec des gros salons nationaux, voire internationaux même. Exactement. Donc du coup, on peut passer sur vraiment la dernière partie. Ouais. Ça, on a beaucoup parlé quand même. Donc du coup, là c'était un petit salon de BD, on va dire. Oui. On peut même dire un peu plus petit que Japintarm. Oui, parce que c'était la première édition, donc forcément. Ouais, c'était la première édition. que c'était Imaginarium, c'est le nom du festival de BD de Rodez. Donc c'est loin, là-haut, dans le nord, là où il y a de la neige. Hein oui, sur le vif d'ailleurs, à Nyalang. Ce qui ne met pas forcément en très bonne condition. Mais, Ah bah on a bravé quand même la neige en début décembre pour y aller quoi. Ah on est loin du TGS Spring Break au mois d'avril, hein, ça c'est sûr. Ah ça c'est sûr. Oui, donc c'est un tout nouveau salon qui vient de se lancer à Rodez. Donc entrée payante, un jour 3 euros, 2 euros pour les deux jours. Donc, t'as dit 2 euros pour les deux jours. Ah, 5 euros pour les deux jours. Oui, 5 euros pour les deux jours. Ouais. Oui. Et il y a même, je crois, un jour plus l'affiche de festival pour 5 euros. Oui, ça, c'est ça. Ça ouais. faisait 2 euros l'affiche, donc ça allait. Très jolie affiche d'ailleurs. Qui est fait par un auteur albigeois, auteur qui a fait l'adaptation de Notre-Dame de Paris en BD. Je ne me rappelle plus le nom de la personne, mais je vous laisse chercher, vous trouverez. Et ouais, donc c'était la première édition. Donc c'était à la base, c'est soutenu par une librairie de Rodez. Mmh. Et après l'orientation de faire librairie et magasin de jeux de société. Ouais. Donc c'est pour ça qu'on retrouvait aussi un petit peu de jeux de société, un petit peu de tout ce qui. Pas forcément tout ce qui est un peu univers ludique en général, donc Airsoft, des choses comme ça, un peu de cosplay, tout ça. Ouais, c'est vrai, puis c'était intéressant de voir, vraiment, c'était plutôt vraiment le nom Imaginarium, c'était vraiment tout ce qui sortait de l'imaginaire, parce qu'on a eu, et donc du coup, de l'Airsoft, du GN, on va dire, médiéval. Oui, ouais. Il y a eu, on va dire, un tout petit stand de tir à l'arc et à l'arbalète, donc ça, c'était, on voit ça pas très souvent, peut-être à Japan Expo, mais vraiment dans de plus grandes proportions, alors que là, bon, bah voilà, c'était vraiment, on va dire, à la famille. Un forgeron, je crois même. Ah ouais? Ah, mais j'ai pas vu. Valeurs. Ouais, je me suis arrivé, mais... Normalement, il devait venir, moi, j'avais l'habitude, du coup, comme quoi il devait venir. Et c'est vrai que c'est... Ouais, voilà, donc après c'est une première édition, bon, après ça a été forgé autour d'un noyau d'auteurs, encore une fois, régionaux. De BD. Mmh. Et donc après, voilà, bon, après c'est toujours comme les premiers salons, il y a toujours des choses à améliorer, il y a toujours des choses à voir un petit peu à droite à gauche. Bon. Mais moi j'ai trouvé ça plaisant, voilà. Après, c'est sûr qu'au mois de décembre, on va dans ces contrées-là, on va dire, c'est pas. Ouais, puis il a clairement pas fait beau, donc ça. Sur la matinée, nous, on était que le matin. Mmh. Mais c'est vrai, ça n'a pas apporté grand monde. Il faisait moche, il faisait gris, il y avait pas de queue pour faire les dédicaces. C'est hallucinant, quoi. Oui, voilà. Après, c'est sûr que là, on arrive vers les mois où on avait déjà eu pour le TGS à peu près beau temps, bon, s'il a plu. Enfin, il y a eu du vent aussi. Oui, moi je me rappelle. Oui, c'est sûr qu'on fait la queue dehors, c'est toujours gênant. Ouais. Moi, je me rappelle d'une année où j'étais allé au TGS, mais la première année au parc des Expos. Ou peut-être la dernière année à Diagora. Bon, enfin, on va pas faire des détails, où je me rappelle avoir fait plusieurs kilomètres sous la neige. Oui, bah c'est. On va y aller. C'est vrai que nous, sur place, je crois que ça va être la première année au parc des Expos où il neigeait un petit peu. Ouais, c'est ça. Donc, c'est vrai qu'on n'est pas toujours mis des conditions comme ça, on n'est jamais rarement mis en condition avant d'y aller déjà. Enfin, mais là, ouais, c'est donc du coup en termes d'activité, donc il y avait des jeux de société qui étaient proposés. Mmh. Donc après, vraiment, on va dire Jungle Speed, il y avait le nom avec le bateau. C'est Riff Raff. Riff Raff. Ouais, ça manquait un peu de jeux, ouais, un peu plus. Je trouve pas le mot, des jeux un petit peu plus rapides, genre Timeline, des petits jeux comme ça, quoi. Des un petit peu plus sympa. Robo Rally, bon, Robo Rally, je sais qu'il est rare à trouver, mais des petits jeux comme ça, quoi. C'était un petit peu trop, soit des jeux un peu trop orientés enfants, soit. Ouais, mais après, ils avaient quand même, tu vois, une belle collection, quand même. Une bonne collection, il devait y avoir une trentaine de jeux, je pense. Oui, ou plus que ça, même, je pense. Ouais. En plus, à côté, bah, il y avait une table de Roi Armor, je crois. Oui, il y avait une belle très belle table d'ailleurs de Roi Armor. Ouais, avec de beaux plateaux, de beaux décors. Ouais, que tu fais de bonnes Il me semble que j'ai vu une table aussi de jeux de rôle. Après, j'ai passé vite fait, j'ai pas trop vu. Mais voilà, donc il y avait quand même des beaux trucs. Ensuite, il y avait des jeux rétro. Donc il y avait une NES, une PlayStation 1. Ouais, Nintendo 64. Et la NES, je pense que tu l'as dit, donc je vois. Et une NES, ouais. Ouais. Donc, non, ouais, pour donc... moi, c'était un festival très intéressant. Je pense qu'ils ont un cap, là, qui est pas mal. Une ouais. bonne idée, un bon... Très bonne idée de base, donc je pense qu'ils peuvent continuer là-dessus. Je pense qu'ils ont eu des visites, visiblement, parce que j'en ai vu, ça avait l'air d'être assez pertinent. Donc j'espère que ça repartira pour une seconde année. Bah ouais, ouais. Puis bah c'est, ça serait dommage que ça s'arrête comme ça, quoi, sur une seule édition, parce que c'est, on y est tant allé que le matin, moi. Du coup, c'était sur deux jours aussi. Mmh. Et du coup, bah c'est, ouais, on n'a pas tout vu, on n'a pas tout fait, parce qu'il devait y avoir, je pense, un défilé de cosplay. Il y a eu des passes d'armes aussi qui ont été faits par ceux qui étaient en, on va dire, cosplay de Moyen-Âge, même si c'est pas vraiment du cosplay, mais voilà, ils avaient vraiment des chevaliers, un combat de chevaliers, voilà. Voilà, après je sais que quand nous on est parti, il devait y avoir un tirage au sort dans l'après-midi. Ouais, il devait y avoir une tombola, voilà, je crois, ouais. Ouais, une tombola, voilà. Donc il propose quand même assez de bonnes activités. Non, c'est vrai, c'est ça, c'est vraiment le festival qui a de l'idée, qui a un placement intéressant, surtout vu la région qui se passe pas trop. Comme un peu Jap Internamaza, mais quoi, on n'a pas une concurrence incroyable, mais du coup, c'était pas sûr d'attirer beaucoup de monde, mais je pense qu'il y avait matière à faire après. Ouais. Peut-être le faire un mois plus tôt ou deux, c'est un petit peu plus intelligent peut-être. Ouais, là, c'est vrai, on arrive vraiment aux limites des limites. Ouais, et puis on commence à arriver aux fêtes, bon, on peut faire des jolis cadeaux, mais. Oui, ouais, après, je pense que c'est pour ça, ils font ouais, début ou voilà, dans cette période-là, pour vraiment avoir une BD dédicacée à offrir, ou voilà, ça peut être aussi l'occasion. C'est ou après ça. Aussi, les autres week-ends, c'est quand même surchargé, voilà, surchargé. Il y a quand même beaucoup de festivals aussi pendant la période estivale, donc c'est peut-être aussi un moyen de se démarquer. Ouais, je pense aussi. Autre chose à redire sur Imaginarium? Oh non, bon, des auteurs sympathiques, bon c'est la plupart des auteurs, on en a déjà parlé dans des quoi qui se passe précédents. Mais voilà, je pense qu'on va laisser les gens regarder, mais voilà, enfin, ça reste des festivals, voilà. Une bonne orientation BD, voilà. Je pense qu'il y a 2-3 trucs à faire, mais pas trop grand chose à régler, quoi. La bonne idée là, quoi. Ouais, voilà, ils ont l'idée, y a plus qu'à, comme on dit. Y a plus qu'à, voilà. Du coup, on va arriver à notre dernier morceau. On a quand même chroniqué 6 choses. Bah, du coup, avec celle-là, ça va être la 6e. Et c'est un gros retour. Je pensais pas qu'on avait passé... ça fait 1h30, un peu moins d'une heure et demie qu'on enregistre. Mais ça fait quand même un gros morceau. Peut-être que je le couperai en deux. Ça, à voir. Ouais. Donc du coup, cette année, c'est une année... Anniversaire. Et certains ont peut-être vu d'ailleurs dans les librairies du fait de la sortie d'un livre. Ouais, en plus cette année c'est pas qu'une seule année d'anniversaire parce qu'il y a les 20 ans de la Cité de la Peur, ce genre de choses. Mais 5 ans avant, il y a eu Les Simpsons. C'est ça. Donc du coup, à Carmo City, représente Sissi, t'as vu. Il y a eu du coup une petite célébration donc des 25 ans des Simpsons. Mmh. Donc avec Véronique Augereau et Philippe Pétieux, donc qui sont respectivement les voix de Marge et de Homer Simpson. Mmh. Donc j'ai trouvé ça super sympathique. C'est vraiment sympathique. Ouais. J'ai bien apprécié. Donc du coup, il y avait projection du court-métrage Being Homer. Ouais, très bon reportage qui avait fait un petit peu le buzz à l'époque, on va dire, mais qui est vraiment de très bonne qualité. Ouais, ouais, je sais que il est passé un petit peu sur Twitter et tout, que c'était plutôt bien. Ouais. Je sais qu'à cette période-là, j'avais pas vu, mais là, du coup, j'ai découvert vraiment sur au cinéma, condition vraiment film de cinéma, et c'était plutôt. C'était un bon souvenir. C'était plutôt pas mal. Ensuite, on a eu aussi une sorte d'interview, reportage sur le métier de doublage, avec Matt Groening. Donc, ça, c'était une interview dans le coffret des 20 ans. Donc, a été fait spécialement pour les 20 ans de la série. Donc, c'était pas mal aussi. Je trouve qu'on apprenait des choses sur la création des Simpsons. Et après, comment les doubleurs travaillaient, même si bah du coup en ayant fait les conférences de comédiens de doublage du TGS presque tous les ans, du coup bah je c'est toujours les mêmes choses qui reviennent. Mais là ce qui était je trouve que c'était assez marrant, c'est quand c'était des questions vraiment innocentes demandées par des enfants de moins de 10 ans. Ouais. Genre pourquoi tu portes les lunettes, pourquoi tu ressembles pas à ton personnage. Ouais, voilà, c'est des trucs bah du coup c'est l'audience clairement du cinéma était pas bien élevée. Mais le jeu des questions-réponses était du coup très très bien mené. Ouais, ils ont ouais. su répondre avec pertinence à des questions qui nous paraissaient à nous des fois très très cons. Bah ouais, puis du coup ouais, c'est la séance de questions-réponses était bien bien amenée. Même les petites questions connes ou désuètes là, toutes mignonnes comme ça, bah du coup ça trouvait un charme. Ouais, c'était plutôt bon enfant du coup. C'est ça, ouais. On a aussi droit à l'inauguration d'une salle Simpson, donc dans le cinéma. Ouais, qui est tout récent. Ouais. Qui a été refait du coup, on va pas dire pour l'occasion, mais presque. Hein. Oui, quasiment. Je crois qu'il a été fini au mois de septembre ou d'octobre, si je dis pas de bêtises. Ouais. On peut pas faire plus 9 fois. Oui. Il y avait encore des trous dans les murs. C'est ça. Ah oui. Non mais du coup ouais, donc c'est à dire que le cinéma de Carmont a quand même une salle Simpson, donc c'est plutôt pas mal. La plaque est plutôt belle en plus. Bon, bien sûr, on a eu le droit à une séance de dédicace qui était plutôt bon enfant aussi après, à la fin. Ouais. Non, ils ont bien pris le temps. Des gens très cordiaux, très très très sympathiques. Ouais, et comme en plus, bah, faut toujours qu'il arrive quelque chose. Bah, il y a eu un petit problème au moment du lancement du reportage / interview / reportage. Ouais, c'est ça. Des 20 ans où bah, il y a un petit problème technique où du coup, on avait l'image mais pas le son. Donc du coup, Véronique Augereau et Philippe Pétieux, bah, ils ont commencé un petit peu à redoubler eux-mêmes. Donc j'ai trouvé ça plutôt cool. C'était vraiment bon enfant. Très professionnel. Ouais. Non, mais bah après, on a aussi droit, moi je mettrai l'extrait en fin d'épisode, mais on a eu extrait quand même une séance de doublage en direct. Donc avec vraiment, vous l'entendrez un petit peu, mais donc du coup il y a une première partie où c'est vraiment la VO avec, bah, comme si c'était l'épisode en fait, donc avec les voix, la musique, les bruitages. Et ils ont enchaîné direct ensuite avec le doublage français. Donc du coup ils avaient que les deux voix, ils étaient que deux à doubler. Donc c'est pas mal, j'ai trouvé ça intéressant aussi. Non, oui, bon, c'est pareil, ça m'a trouvé ça très très intéressant. C'est que ça fait réfléchir quoi quand on voit les visages d'exécution qu'ils ont. Un tout petit texte, c'est. Ouais. Bah, je sais que une fois j'étais à Clermont-Ferrand pour une convention du style Japan Tarm TGS. Là par contre il y avait du coup les comédiens de doublage de American Dad qui étaient là. Oui. Et c'est pareil, donc il y avait une séance de questions-réponses, il y avait une séance de doublage. Et en plus du doublage des comédiens, il y avait aussi 2-3 personnes du public qui étaient venues, qui pouvaient doubler aussi et essayer au doublage. Donc je trouvais ça plutôt pas mal. Qu'est-ce que t'as d'autres choses à dire sur les 25 ans ? Oh non, pas grand-chose. Je trouvais que c'était un élément très plaisant, très bien animé, surtout. Ça fait longtemps que j'avais pas vu un truc animé comme ça, avec beaucoup de peps, beaucoup de passion, ça se voyait dans les yeux de l'animateur. Ouais, bah ouais, c'est ça, bah j'ai bien apprécié, puis ça change aussi de bah, que ça soit des comédiens de doublage qui soient, même si bon, certains crisent un peu quand on dit des comédiens de doublage, parce que ça a l'impression que ça resserre qu'ils font que ça, mais voilà, c'est des comédiens qui font du doublage, principalement, voilà. C'est ça, voilà. Mais non, mais je trouvais ça très enrichissant, des personnes très sympathiques. On va enchaîner avec la séance de doublage, et puis on se retrouve juste après. Tout est numérisé, donc on pourrait plus vous faire une séance de doublage maintenant, parce que numériquement, ça serait très compliqué. Donc il y a des logiciels qui limitent cette calligraphie humaine, donc c'est beaucoup plus confortable pour nous. On arrive davantage à lire, on n'a pas déchiffré les pattes de mouche souvent qui sont écrites comme ça. Donc là, on va essayer, là, vous aurez peut-être du mal à lire. Hein, certainement. Oui, ça va être du déchiffrage, hein, sincèrement, pour vous. Vous allez voir quelques mots, mais voilà. Bon, c'est pour vous donner une idée de notre travail sur un plateau de doublage. Un extrait de la saison 21, c'est l'épisode où Homer est à Paris, où je crois qu'il va rencontrer Sarkozy. Enfin, dans cette séquence-là... Quand vous disiez, ça suivait l'actualité. Homer est surmené, et Marge, il s'occupe tellement de Marge, et Marge essaye de use de stratagème pour réveiller sa libido. Hein, voilà, donc on va écouter la version originale avec les musiques et les sons, et puis on va vous faire la version française tout de suite derrière. On va se mettre là pour avoir un peu de recul, pour pouvoir lire. Excusez-nous, on va vous mettre là. Alors on va, d'abord vous allez écouter la version originale, et tout de suite après, voilà. Ce sera à nous. Voilà, on écoute la version originale, on fait le noir peut-être. Oui, quand même. Donc on écoute la version originale et on enchaîne sur la version française. On va vous faire le direct. Vous ne voyez pas, mais... Honey, I know it's been a rough couple of weeks, but I booked us a night this Saturday at a very romantic hotel. Garden View? Ocean View. Obstructed. Oh! Week, but I took a power nap while I was driving us here, and now I'm raring to go. Well, I brought a few items to make our night extra special. Massage oil, some lingerie from the horny hubby, and snuggle dice. This one has an action, and this one has a body part, see? Nuzzle, neck, with pleasure. Let me try. Lick, eyes. I'll try again. Spank, hair. What's a... Whisper it to ass? Oh, this game sucks. Why don't you just roll me? We're gonna be big snore in the morning. Tim, when will you touch me? Okay, kiss me, baby. Kiss me like a frog in a fairy tale. Invited to the annual Nuclear Power Expo in Paris, France. That's right, we're going to Fission Week. Woo! I need you to book me a room with the Ritz, with a view of Jim Morrison's grave, and book me dinner at that place. You know the one. The one Lenny's mom ran about 2 years ago. I'll make it up to you, Marge, I swear. Last night was the making it up to me. The most intimate moment we shared this week was my ironing your shirts. Actually, those were Carl's shirts. I can't believe you're going to spend another weekend with him. Hey, it's not like I want to go. Go, go, go! Billy. Je sais que t'as eu des semaines difficiles, mais j'ai réservé une nuit pour ce samedi dans un hôtel très romantique. Vue sur jardin? Vue sur l'océan obstrué. Oh. Bon alors, j'ai fait 100 heures de boulot cette semaine, mais j'ai piqué un petit roupillon au voleur. Et maintenant, il me tarde d'en profiter. Et ben moi, j'ai rapporté quelques petites choses pour avoir une nuit extra spéciale. De l'huile de massage, de la lingerie de tout pour le chaud lapin, et l'été du câlin. Tu vois, celui-ci désigne l'action, et celui-là, une partie du corps, tu vois. Se blottir, oh, avec plaisir. Ah, je vais essayer. Lécher, yeux. Attends, je resserre. Fesser, cheveux. Mais qu'est-ce que... Oh, souffler dans... Cul. Oh, mais c'est nul, ce jeu. Oh, tu devrais me faire rouler, moi. On va être plein de... Du courbature de main. Bon sang, mais quand vas-tu me toucher? D'accord, embrasse-moi ma bibiche, embrasse-moi comme un crapaud dans un conte de fées. Oh, mon petit crapaud. moi. Le moment le plus intime qu'on ait eu cette semaine, c'est quand j'ai repassé tes chemises. En fait, c'était les chemises de Karl. Oh, j'arrive pas à croire que tu vas encore passer un week-end avec lui. Mais c'est pas par plaisir que je vais y aller. Allez, allez, allez. Non. Donc, voilà, donc, il y a eu un petit écho aussi sur la fin quand ils doublaient, parce qu'en fait, dans la salle de cinéma, ils étaient juste à côté de nous. Quand je dis juste à côté de nous, pendant les projections, Véronique Augereau s'asseyait presque, était juste à une place devant nous. Donc, c'est. Oui, c'est ça. On pouvait pas faire plus proche. Donc, c'est peut-être pour ça qu'il y a un petit effet d'écho sur l'extrait audio. On arrive du coup à la fin de ce Quoi qui se passe. De Quoi qui se passe spécial, fête de Noël. Ouais, fête de Noël assez monstrueux. Bon, on n'a pas eu trop le temps de vraiment faire un before after avant non, chaque. Ça valait pas toujours le coup donc. Avant chaque sortie, ouais. Donc là du coup on a pu rattraper pour faire voilà pour parler de Japan Tarn. Voilà, c'était vraiment une bonne convention. Donc du coup on arrive. En fin décembre, est-ce que fin décembre, on arrive au mois de décembre, est-ce que t'as des sorties de prévues? Ah ben là ça y est, on rentre dans la saison morte, donc pour l'instant la seule convention que j'ai notée sur mon petit calendrier, c'est le TGS Spring Break de début avril. Oui, c'est vrai que maintenant c'est la période des fêtes de Noël. C'est ça. C'est un petit peu creux, quoi. Et janvier, février, c'est toujours plutôt calme, enfin, surtout dans notre région pour l'instant, donc pour l'instant, pas grand-chose. Oui, moi, c'est pareil, moi, j'ai que le TGS en avril, ou peut-être Podren, ça dépend la date que ça tombe, parce que du coup, ça va être compliqué, faut voir quand est-ce que ça tombe, parce que c'est quand même bien sympa aussi, Podren, voir tout le monde. Donc voilà. Mais bientôt, Podmonde. Non, on avait dit podcast, merde. Podcast, j'ai dit merde. On veut que personne ne vienne, on veut être trois. On veut qu'il y ait quelqu'un d'autre qui vienne, on sait pas qui, mais qui vienne, c'est tout, merde. On va leur faire concurrence, on va les niquer. Ouais, bon, non, mais ils sont gentils, ils sont sympas. Faut que tu viennes, franchement, la prochaine fois, on rigolera bien. Ah, déjà, avec le trajet, on va rigoler. Ah bah oui. Ça risque d'être l'aventure. L'aventure, c'est l'aventure, comme disait le film, mais là, c'est vraiment l'aventure. Ouais, non, mais faut vraiment que tu rencontres les gentils monsieur du podcast. Hein. Ah, le baron. Ah, le baron et lance-patate, ouais, j'ai bien aimé. Hein. N'oubliez pas de voter, d'ailleurs. Hein. N'oubliez ouais, pas votez de voter pour le podcast. Votez pour le podcast, votez pour le Gaston de l'année. Le Gaston, eh oui. Faites ça en votre âme inconsciente, c'est très important. Il peut gagner un slip français. Oui, c'est même très si important. La personne est décédée, elle peut gagner un slip français. Bon, je pense qu'on a assez dit de bêtises pour cette fin d'année. Bon, du coup, voilà. Bonne fête de fin d'année à vous. Oui. Joyeuse Pâques, si vous l'écoutez après. Et puis. Bon apocalypse, si vous l'écoutez avant l'apocalypse. Ouais, ou pendant, ou après. Bonne écoute. Voilà. Eh bien écoutez, passez de bonnes fêtes et à 2015. À 2015, salut. Salut. Pour le poisson, on doit s'en aller pour de bon. On a tout fait pour vous avertir. Vous êtes moins malins que nous, mais fallait-il que malgré tout, vous gâchiez toutes ces merveilles autour de vous. Salut et merci bien pour le poisson. Vous êtes en train de tout détruire, votre terre n'a plus d'avenir. L'apocalypse est pour très bientôt. Malgré les fils et les pêcheurs, beaucoup d'entre vous ont du cœur. Surtout vos femmes enceintes et vos petits enfants. Salut, salut, salut, salut, salut. Salut, salut, salut, salut, salut. Salut, salut, salut. Salut et merci. Salut, salut, salut, salut, salut, salut, salut, salut, salut, salut, salut.